On était trois meilleurs potes, trois ados mais pas des chochottes. Et on voulait tenter un truc, on flippait de se casser la nuque, se casser la nuque. On était trois meilleurs potes, trois ados mais pas que des fiottes. On voulait tenter la comédie, on flippait de faire un deux-bites, faire un deux-bites. Le premier de ces trois comiques, Sami Aissou, aime la musique, très en fan de jeux vidéo, vachement marrant, mais pas très beau, mais pas très beau. Il avait vécu à Manom, rue des Tilleuls, et puis c'est comme ça qu'il voulait se faire filmer et faire rire le monde entier, le monde entier. Il était d'origine algérienne, pas trop fan de camions à Ben, respectait les coutumes d'Algérie, Ramadan et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui s'ensuit. Voulait donc devenir comédien, et de ça il en avait faim, jeu de classe troisième dans l'humour, parce que des fois il est lourd, ouais il est lourd. Trois meilleurs potes, trois petits comiques, qui tendent Le deuxième de ces trois comiques s'appelle Gutiérrez Loïc, 14 ans vrai fan de hard rock. Ouais bon je sais, ça fait un choc, ça fait un choc. Il a grandi en plein Thionville, il a grandi en pleine ville, seul avec sa sœur et sa mère, il a même jamais vu la mer, jamais la mer. Du métal à la comédie, c'est risqué, il avait envie de Slipknot au des chiens, voulait pas qu'on rate comme des chiens, comme des chiens. Voulait aussi devenir comique, mais voulait pas quitter la musique. Il était fan des Robin des Bois. L'humour, c'est son choix, Evelyne Thomas. Trois meilleurs potes, trois petits comiques, qui t'en Le dernier de ces trois comiques, Anthony Stéry, c'est chic, très en vivant de sa musique, lui rapporte énormément de fric, beaucoup de fric. Il a grandi route de Manom, c'est grâce à son père, et oui c'est comme ça qu'il a appris la musique, c'est sa passion, c'est un rite, oui c'est un mythe. Il a toujours été marrant, même en été, c'est pas marrant. Très bizarre qu'il se mette au sketch alors qu'il gagnait déjà bien son steak. C'est du charal. Il voulait se trouver un talent dans la comédie, c'est tentant. Mais est-ce que les fans allaient accepter ce changement systématique, systématique? Trois meilleurs potes, trois petits comiques qui tendent un peu la musique. Le premier de ces trois comiques, Sami Aissou, aime la musique. Il a fini fan de rap, de Star Wars et trop anti-pape, trop anti-pape. Le deuxième de ces trois comiques s'appelle Gutiérrez Loïc. Lui, il a pas du tout changé. En comédie, il a régressé, il est fini. Le dernier de ces trois comiques, Anthony Stéry, c'est chic. Il a changé de style de musique. Maintenant, il fait de l'art et de l'harmonique, du truc chic. Le comique dure, mais pas longtemps. Ça part très vite avec le temps. Je préférerais toujours la musique que le comique, que le comique, que le comique. Merci.